43e chapitre. La roue. Cependant, le tombereau venait d'arriver sur la sinistre place. Là, la foule était encore plus grande que dans les rues. Une multitude de têtes humaines serrées les unes contre les autres surgissait de tous les points de la grève. Les vieilles et sombres maisons de bois et de pierre dont elle était bâtie regorgeaient de spectateurs. Les fenêtres et les toits se trouvaient garnis comme le sont les loges de nos théâtres un jour de représentation extraordinaire. Les sexes aussi bien que les rangs étaient confondus dans cette horrible mêlée. Le manant était à côté du gentilhomme et la noble dame était coudoyée par la femme du peuple. De nos jours, si la curiosité est peut-être aussi forte, la pudeur oblige au moins à se cacher davantage. En ce moment, la fontenelle venait d'apercevoir l'échafaud sur le milieu duquel était attachée à plat la terrible croix de Saint-André. Ce supplice ne fut institué en France que sous François Ier. Cette croix était faite avec deux solives en forme oblique, croisées en X et assemblées au milieu. Il regarda cet épouvantable appareil sans sourciller, et aucune émotion ne se montra sur son visage. Une foule d'archers et de hallebardiers refoulait le peuple et faisait élargir la place autour de l'échafaud. Maître Rapin, lieutenant de robe courte, présidait à l'exécution. Le funèbre véhicule était alors parvenu au terme de sa course. Guéder, après avoir embrassé le Christ que lui présentait le prêtre, fut enlevé du tombereau, déshabillé par les aides du bourreau et porté par eux sur l'échafaud, car le malheureux ne pouvait ni se soutenir ni marcher. Ses jambes étaient brisées et ses os avaient éclaté sous la pression des coins. À la vue de ce beau et noble gentilhomme qui allait mourir, une immense clameur sortit du milieu de la foule. « Tenez, regardez bien, » disait l'un, « le voici celui qui a détruit Pinmar et qui a pillé Pont-Croix. »« C'est ce brigand, » s'écriait un autre, « qui a massacré 1000 paysans à Plogastel, et si sa trahison n'eût pas été découverte, le scélérat allait livrer la Bretagne aux Espagnols. »« C'est égal, c'était un brave, je vous en réponds, » disait un soldat à ceux qui l'entouraient. Je me rappelle avoir combattu à ses côtés à la bataille de Craon, et je puis vous assurer qu'il n'avait pas plus peur d'un coup d'épée que de la balle d'une arquebuse. Je suis fâché pour lui qu'il n'ait pas trouvé la mort sur quelque champ de bataille. » Et puis on parlait de sa naissance illustre, de sa parenté avec la Vardin, et on s'étonnait que le roi ne lui eût pas pardonné. Aucune force à cette heure n'eût été capable d'arracher la fontenelle des mains de la justice. Les soldats de l'île Tristan seuls, s'ils eussent été tous réunis sur la place, auraient bien certainement affronté la mort pour le sauver. Mais ils étaient alors éparpillés en différents lieux et ne devaient plus revoir leur capitaine. D'ailleurs, Guéder eût-il pu échapper au supplice qu'il ne s'en fût plus soucié. Pouvait-il bien encore désirer vivre en ce monde avec ses membres brisés par la torture? Non, il le sentait. Pour lui, l'existence n'était plus possible. Il lui fallait la mort. En ce moment, 10 heures sonnèrent à l'hôtel de ville. C'était l'heure fixée pour l'exécution. Aussitôt, la fontenelle, nue, en chemise, les bras et les pieds assujettis par des cordes, fut couchée sur la croix de Saint-André. Sa tête, reposant sur une pierre, regardait le ciel. Le vieux prêtre était à genoux près de lui, récitant des prières et l'exhortant à la mort. Soudain, le bourreau, au signal du lieutenant Rapin, leva sa barre et l'un des bras de la fontenelle fut brisé en deux endroits. Alors celui-ci, après avoir jeté un dernier regard sur la foule pour voir s'il n'y distinguerait pas une figure amie, murmura ces paroles qui ne furent entendues que des personnes placées tout près de lui. « Adieu, Marie, adieu, mon frère, je ne vous reverrai plus. » Puis la lourde barre tomba successivement sur chacun de ses membres, qu'elle brisa ainsi que ses reins. Enfin, le bourreau termina son horrible ministère en déchargeant de toutes ses forces 2 autres coups sur la poitrine de la fontenelle. Son corps, ayant été ensuite délié, fut porté sur une petite roue horizontale. Alors l'exécuteur, après avoir plié les cuisses du patient de façon que ses pieds touchassent au derrière de sa tête, le lia à cette roue où il le laissa exposé au regard du public. Il y avait plus d'un quart d'heure qu'il était ainsi sur la roue quand 2 hommes, fendant la presse, se trouvèrent tout à coup au pied de l'échafaud. Aussitôt l'un d'eux poussa un cri terrible qui retentit au loin sur la place. Puis ce malheureux tomba évanoui dans les bras de son compagnon. C'était le baron Amaury. Le jour même où Beaumanoir arrivait à Paris avec deux Romards, La Fontenelle marchait au supplice. Malgré la célérité qu'il mit à exécuter son voyage, il arriva trop tard. Chaque fois que le baron venait dans la capitale, il allait loger chez un de ses amis qui habitait les environs de l'hôtel de ville. Comme pour arriver à ce logement, il lui fallait traverser la grève, le hasard voulut qu'il y passât au moment même où son frère agonisait. En vain, en cette occasion, de Romard, comme s'il eût été averti par un secret pressentiment, fit tous ses efforts pour l'empêcher d'approcher de trop près, lui représentant que c'était sans doute l'exécution de quelque scélérat obscur. Sa voix fut méconnue. Le baron s'avança jusqu'en face de la roue. Si l'émotion qu'il ressentit en reconnaissant Guilder fut affreuse, celle qu'éprouva de Romard fut aussi bien cruelle. La vue de son ancien capitaine, étendu sur cette ignoble roue, causa au lieutenant une douleur comme jamais il n'en avait ressenti dans toute son existence de soldat. Un moment il douta de la réalité et se crut sous le coup d'une illusion étrange, mais bientôt il ne fut que trop certain de son épouvantable découverte. Comme il cherchait à contempler une dernière fois les traits de La Fontenelle, l'évanouissement subit du baron l'obligea de voler à son secours, et avec l'aide de Quilliec, qui ne se trouvait alors qu'à une petite distance, il transporta sur le champ Beaumanoir à son logis. À travers le voile funèbre qui s'étendait sur lui, La Fontenelle reconnut son frère et son lieutenant. Au milieu des tortures de sa lente agonie, cette vue lui fit du bien et fut une grande consolation pour ses derniers moments. Cependant, peu à peu, la vie commença à l'abandonner. Ses yeux se fermèrent. Puis ils se rouvrirent encore pour se reporter vers le ciel. Ce suprême regard fut suivi d'une horrible convulsion dans laquelle tous les traits de son visage devinrent effrayants à voir. Une seconde après, il était d'une pâleur livide. Le bourreau toucha alors sa tête. Elle était glacée. La justice humaine était satisfaite. Le terrible partisan n'était plus. Le baron de La Fontenelle, le brigand de la Cornouaille, avait cessé de vivre. Avant d'expirer, il avait langui 6 quarts d'heure sur la roue. Peu à peu, la foule satisfaite s'éloigna, et bientôt la place de grève fut entièrement déserte. Avant que le cadavre du dernier ligueur eût été détaché de la roue, sa tête fut séparée du tronc. Conformément à l'arrêt du Parlement, elle fut transportée à Rennes et plantée sur la porte Toussaint.